Jean 4 et 13. À la cime de la cité, cloître verdâtre, un arbre dynamité, alarmant théâtre, rugit la fontaine, qui cite cet adage, Jean 4 et 13, qui ravive ma rage, à Dieu ne déplaise, cette eau me suffit.